Ah non, écoute-moi, écoute-moi. J'te cause dans le creux de l'oreille droite, par-dessus l'épaule, touche au cœur quand le vice venant de gauche tape sur l'ego. Trop méfiant si les gens kiffent, esquivent même les gentils. Voyage en Inde, slalom, reste vif, pas de neige dans le pif. Les clubs sont blindés de salopes, en chien de plan de projet de pif. Un 5D de canon, c'est pas leur seul objectif. Toi qui m'écoutes, respecte mes chutes, ne flatte que le très haut. Crique, braque ton destin, chasse le vas-y, trace et plaque le préau. J'gratte et les mots se diffusent, des mômes kiffent et s'identifient. J'ai fait du spliff, une griffe, mais dis-toi que c'est le pédo qui me fume. Boiteux, ne copie pas la démarche du loup. Méfie-toi de ceux qui grattent, qui réfléchissent et qui crachent du lourd. Droite le vice qui te pourchasse. A tous les angles, tu parles de crime pris pour chasse. Tu te bouffes les ongles. C'est ce que cherche ton pire ennemi, gros, que tu m'étouffes. Mais moi, je peux pas le priver de micro. Faut que tu m'écoutes. T'as deux choix. Fais le tri, fais le vide. Écoute-moi. Non, non, non, écoute-moi. Fais le vide. Y'a deux choix, une seule vie trop courte. Donc choisis bien ton camp, je te paierai pas en remords. Poteau, chaque faute coûte. T'as deux choix. Fais le tri, fais le vide. J't'écoute, frère. Non, non, écoute-moi. Fais le vide. Profite de la vie, la graisse, les gros longs. Donc choisis bien ton camp, la paix c'est chiant, la guerre c'est trop long. Trop un casse-tête, te cause dans le creux de l'oreille gauche, par-dessus l'épaule. Ceux qui cherchaient de la rime riche, seront pas déçus les pauvres. Elle est hâte, mon pote, ma voix c'est le nom du mal. Et le drapeau d'un pirate sale flotte le long du mât. Toulouse, gratté de mes pages, je situe la ville. Dans une bouteille de Jack, tu marches dans mes grands pas, si tu la vides. Si j'ai trop picolé la jarrette, et ma voix te dira de balayer ça, mais de piloter la charrette. J'peux pareiller ça, bande de tasses. Ici tout va vite, comprenez le message, je le tue en 4. Au lieu de 32 taf, un parking de son frère, le cri d'un blaster. En fond, un coup de pied, le feu de l'enfer, le cri d'un pasteur. C'est là que je t'emmène, un cacheton, lâche ton mec, cache ton merde. Quand je frappe un lâche tombe, tu n'entends que le son de ma voix, frère à trois. Tu viens d'avivre à gauche ce que tu rêvais d'avoir à droite. T'as deux choix, fais le tri, fais le vide. Écoute, frère. Non, non, écoute-moi, fais le vide, profite de la vie, la graisse, les gros longs. Donc choisis bien ton camp, la paix c'est chiant, la guerre c'est trop long. Trop un casse-tête. T'as que deux choix, fais le tri, fais le vide. Écoute-moi. Non, non, non, écoute-moi, fais le vide. Y'a que deux choix, une seule vie trop courte. Donc choisis bien ton camp, je te paierai pas en remords. Poteau, chaque faute coûte. T'as que deux choix, fais le tri, fais le vide. Écoute-moi. Non, non, non, écoute-moi, fais le vide. Y'a que deux choix, une seule vie trop courte. Donc choisis bien ton camp, je te paierai pas en remords. Poteau, chaque faute coûte. T'as deux choix, fais le tri, fais le vide. J't'écoute, frère. Non, non, écoute-moi. Fais le vide, profite de la vie, la graisse, les gros longs. Donc choisis bien ton camp, la paix c'est chiant, la guerre c'est trop long. Trop un casse-tête.